Le rendez-vous entre les savants et cadres de la direction d'État de l'exploitation cosmique de la République populaire démocratique de Corée et les participants au 5e festival international en l'honneur des grands Mektusan a eu lieu le 16 au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. Un cadre et un spécialiste cosmique coréen ont expliqué l'histoire de l'exploitation spatiale en Corée et des réalisations obtenues dans la fabrication des satellites et la technique de leur lancement. Plusieurs étrangers participant au festival ont appelé ardemment les peuples progressistes du monde attachés à la justice et à la vérité à intensifier davantage le mouvement international de solidarité en faveur de l'exploitation spatiale pacifique de la Corée. Un fanion d'honneur et des livres d'écoles scientifiques au nom des participants au festival ont été remis à la direction d'État de l'exploitation cosmique coréenne.